devrait pas trop. Regardez, monsieur, tout s'est fêlé. Tout cela parce que c'est tous les trucs qui étaient là aussi pendant longtemps, longtemps, longtemps. Ça finirait bien par abîmer les arbres, non? Par contre, je reconnais. Parfois, je devrais peut-être. Monsieur. Les lois des Corinthiens, regarde. Lorsque Dieu nous a donné cette nature, c'est pas pour leur faire du tort. C'est horrible. C'est horrible. Vous avez vu? Regardez. C'est horrible. Pour moi, je trouve ça triste. C'est bon? Moi, je devrais peut-être. Mais je ne suis pas un moine. Hein. Je devrais peut-être. Ils ne piqueront pas, mais c'est horrible. Tu vois, toutes ces personnes qui ont fait ça pour nous, regarde tous les arbres comment ils sont malades. Regarde comment l'arbre n'a pas les beaux. Regarde ici. C'est pour ça que je vous aime beaucoup.